Ahmad al-Halawi, Algérie, Mostaganem, 1869-1933. Un homme ivre de Dieu. Le cheikh al-Halawi est à peu près inconnu en dehors du monde relativement restreint de l'islam ésotérique. Il naquit en Algérie, à Mostaganem, en 1869. On raconte qu'un peu moins d'un an avant sa naissance, sa mère Fatima vit dans son sommeil le prophète Mahomet, tenant à la main une jonquille. Il lui sourit, jeta la fleur à ses pieds, et elle la ramassa avec humilité. Faisant part de ce songe à son mari, celui-ci l'interpréta comme l'avènement d'un fils pieux. Enfant, le futur cheikh n'alla jamais à l'école. Instruit par son père, il apprit le Coran et, en âge de s'orienter vers un métier, il choisit celui de savetier. Par la suite, il sera aussi commerçant afin de nourrir sa famille. Mais les occupations profanes ne le détournèrent pas de la foi. Par la pure grâce de Dieu, le chemin l'amena jusqu'au cheikh al-Bouzidi de la confrérie d'Arkouaouia, qui l'initia à la voie soufie. Doué d'une intelligence vaste et pénétrante, Alaoui pratiqua la méditation du Coran et l'étude de certains traités soufis parmi lesquels ceux d'Ibn Arabi. Le cheikh al-Bouzidi lui transmit les litanies à réciter matin et soir. Il commença à l'entretenir du nom suprême d'Allah, de la méthode pour l'invoquer et du lieu favorable pour le faire, le cimetière. Un beau jour, cet ascèse conduisit cet amant du mystère à dire, comme plus d'un l'avait fait avant lui, « Je suis celui que j'aime, et celui que j'aime est moi. » Après la mort du cheikh al-Bouzidi en 1909, les membres de la confrérie désignèrent par serment Ahmad al-Halawi comme leur chef. Mais 5 ans après, il crée sa propre confrérie, la Tariqa al-Halawiya ad-Darkawiya ash-Shadiliya, caractérisée par la pratique de la Kaliwa, ou retraite spirituelle. La voie du cheikh al-Halawi conduit le disciple à se réaliser en Dieu, ou au moins à parvenir à la paix intérieure, en l'élevant à une plénitude de l'esprit, où l'œil de son cœur, l'intellect au véritable sens du mot, organe de la vision transcendante et non de la raison discursive, lui révèle la vérité à laquelle il croyait. Selon le cheikh, Allah est le thème fondamental du texte coranique, celui en fonction duquel tous les autres sont développés. Quant à la doctrine de l'unicité de l'être, qui tient une place centrale dans le soufisme, elle signifie que seul Allah est absolument réel. La doctrine du cheikh al-Halawi a été combattue de son vivant par les autres confréries, ainsi que par l'association des oulémas algériens. Il lui a été reproché de dépasser le livre de Dieu et la sunna du prophète par la voie soufie, et d'être à l'origine de plusieurs innovations. Mais il a toujours répondu dans son journal Al-Balagha aux critiques qu'on lui adressait pour démontrer le bien fondé de sa doctrine et son orthodoxie. Le maître soufi Cheikh al-Halawi est mort en 1933 à Mostaganem. Thank you. extrait cité par Eric Edelman dans « Éclairs d'éternité ». Un cheikh vint rendre visite au cheikh Al-Alaoui de Mostaganem. « Je vous ai pris un élève », lui dit le cheikh en visite. Et le cheikh Al-Alaoui répondit « Si tu le rapproches de Dieu, tu me l'amènes. Et si tu l'en éloignes, alors c'est vrai, tu l'as bel et bien pris. »